Chapitre 10e. Départ pour la campagne, promenade dans la forêt, égalité. Enfin, je réussis à trouver une maison à la campagne. Une jolie chaumière, résidence d'un avocat qui retournait en ville pour ses affaires, était à louer, et je m'en emparai aussitôt. Elle était située à environ 1,5 mille de la ville, au pied des montagnes dont j'ai parlé et qui la bornent au nord. Nous nous y trouvâmes beaucoup plus à notre aise qu'à la ville. La maison était jolie et commode, les chambres fraîches et aérées. Nous étions débarrassés des détestables moustiques et nous possédions une bonne glacière. Outre cela, nous avions le plaisir de cueillir nos tomates dans notre propre jardin et de boire du lait de notre propre vache. Notre manière de vivre était tout à fait de mon goût. Elle nous donnait tous les privilèges de la rusticité qui sont aussi incompatibles dans une petite ville de province de l'Amérique de l'Ouest qu'ils le sont à Londres. Nous vivions dans la plus grande intimité avec notre vache, car si nous nous asseyions sur la prairie, elle venait sans cérémonie mettre son nez sur le livre que nous lisions et nous faire respirer sa fraîche haleine. Les limites de la verte forêt en face de nos fenêtres étaient si près de nous que pour nous y rendre, nous ne faisions pas d'autres préparatifs que d'emporter nos parasols, des livres et assez d'ouvrages pour nous occuper pendant tout un long jour d'été. Le pré qui nous en séparait était couvert d'une herbe fine qui continuait sous les arbres au commencement de la forêt et nous procurait un beau tapis, tandis que des arbres renversés et des troncs nous servaient de sofa et de table. Mais ce n'était pas encore assez pour nous satisfaire, tant nous étions las de la ville, et nous résolûmes de nous donner un jour de congé dans la partie la plus sauvage de la forêt que nous pourrions trouver. Nous empaquetâmes des livres, des albums, des pinceaux et des sandwiches, et en dépit d'un soleil brûlant qui dardait ses rayons sur une montagne si escarpée qu'il eût suffi de se pencher un peu en avant pour se trouver couché à terre, nous atteignîmes le sommet, haletant et gémissant sous le poids de la fatigue, espérant être rafraîchis par l'air le plus pur. Mais pour respirer cet air, il eût fallu grimper jusqu'à la cime des arbres, car nous trouvâmes bientôt que, sous leur ombrage, l'air pénétrait avec peine, tant il pesait lourdement sur notre poitrine. Cependant, nous étions déterminés à trouver du plaisir dans cette partie, et nous allâmes en avant, enfonçant jusqu'aux genoux dans des feuilles qui reposaient sur le sol depuis la création du monde. Espérant atteindre un lieu plus aéré, là, d'une recherche vaine, nous voulûmes nous reposer sur un tronc d'arbre renversé, étant excessivement fatigués. L'idée de s'asseoir sur ce siège si tentant fut conçue et exécutée simultanément par toute la société, et nous jetant tous ensemble sur sa perfide surface, nous tombâmes dans une masse molle et pourrie qui faisait déjà partie, je crois, depuis 100 ans, du sol de l'éternelle forêt. Nous ne fûmes pas les seules victimes de cet accident. Des grenouilles, des lézards, des sauterelles, des escargots, des frelons virent leur demeure à jamais détruite et s'en vengèrent naturellement en nous causant tout l'ennui qu'il était en leur pouvoir. Nous fûmes mordus, piqués, égratignés, et lorsque nous réussîmes enfin à nous sortir de cette vénérable ruine, nous présentions le plus triste spectacle qu'on puisse imaginer. Nous secouâmes nos vêtements, et accablés de chaleur, de piqûres et de contrariétés, nous nous éloignâmes de quelques pas de la scène de notre infortune, et nous nous assîmes de nouveau. Mais cette fois, ce fut sur un terrain solide. À peine commencions-nous à vaincre la mauvaise humeur que nous avaient causée nos adversités sur cette montagne solitaire, qu'une nouvelle calamité vint nous assaillir. Un nuage de moustiques se réunit autour de nous, et tandis que chaque trompe aiguisée suçait notre sang, nous étions étourdis d'un bourdonnement continuel. Enfin, perdant patience, nous nous levâmes de nouveau, bien résolus de ne plus essayer les joies, al fresco, d'une forêt américaine. Le soleil avait atteint son méridien, mais pour nous rendre à la maison, le chemin était court et nous n'avions plus qu'à descendre. Nous empaquetâmes de nouveau les préparatifs de ce jour de fête, mais tout d'un coup nous tressaillîmes, car en cherchant un endroit frais dans cette sombre forêt, nous nous étions avancés assez loin pour ne plus reconnaître le lieu par lequel nous y étions entrés. Nous ne voyions rien que des tiges, hautes, faibles, ressemblant à celles de nos petits pois, à environ 1 pied l'une de l'autre. La terre, aussi loin que l'œil pouvait s'étendre, et ce n'était pas un point bien éloigné, était couverte d'un lit de feuilles sèches. Aucune trace, aucun vestige, aucune piste, comme dirait M. Cooper, ne pouvait nous aider à reconnaître notre route. Après avoir réfléchi un instant, nous laissâmes au hasard le soin de nous guider et d'une assez mauvaise humeur, nous nous disposâmes à courir de nouvelles infortunes. Nous marchâmes pendant environ un quart de mille et arrivant à une descente rapide, nous nous mîmes à dégringoler ce que nous croyions avoir escaladé quelque temps auparavant. Rien ne pouvait y ressembler davantage, mais, hélas, bien des choses qui se ressemblent ne sont pas les mêmes. Lorsque nous eûmes glissé et roulé jusqu'au bas de la montagne et que nous jetâmes les yeux autour de nous, nous ne vîmes point la jolie chaumière avec son ombrage de beaux acacias. Tout était différent, et ce qui était bien pire, tout était éloigné du lieu où nous croyions être. Nous étions descendus par le côté opposé à notre demeure, et il nous restait à faire 3 milles autour de la base de la montagne. Je crois qu'aucun de nous n'oubliera jamais cette promenade. Nous étions rôtis par le soleil qui dardait ses rayons au-dessus de nos têtes et qui, comme une fournaise ardente, embrasait l'atmosphère. Il était affreux de marcher, de respirer, de regarder autour de soi. Chaque objet recevant d'aplomb les rayons du soleil qui étincelait d'une lumière si brillante et si claire que nous en étions aveuglés. Nous arrivâmes chez nous en vie, ce qui nous surprit agréablement, et lorsque nos langues desséchées eurent retrouvé le pouvoir de s'exprimer, nous nous promîmes bien de ne plus faire de parties de plaisir dans les forêts caverneuses de l'Ohio. Ce serment était trop sincère pour que nous n'ayons pas tenu parole. Nous attendions de jour en jour l'arrivée de M. Trollope, mais les semaines s'écoulaient, et nous commencions à craindre que quelques circonstances ne fût venues retarder son voyage jusqu'au printemps. Enfin, au moment où nous avions presque cessé d'aller l'attendre sur la route qui conduisait à la ville, il arriva par celle qui mène à travers la campagne depuis Pittsburgh. Le plaisir que j'éprouvais en l'embrassant fut encore augmenté en voyant qu'il amenait avec lui notre fils aîné, bonheur que je n'avais pas espéré. Nos promenades et nos courses devinrent doublement intéressantes. Nos jeunes gens, nouvellement sortis de collège, trouvèrent l'Amérique si peu semblable à tout ce qu'ils avaient lu des autres nations qu'elle était réellement pour eux un nouveau monde. S'ils avaient visité Rome ou la Grèce, ils auraient rencontré des objets auxquels leur esprit était depuis longtemps habitué. S'ils avaient voyagé en France et en Italie, ils n'auraient vu que ce que la conversation journalière leur avait rendu familier. Mais dans nos collèges, l'Amérique, à l'exception de sa position géographique, n'est guère plus connue que le pays des fées, et le caractère américain n'a pas été beaucoup plus étudié que celui des anthropophages. Tout était donc pour eux aussi nouveau qu'amusant. Dans les premiers temps, la familiarité extraordinaire de nos pauvres voisins de campagne nous confondait, et nous ne savions ni comment recevoir leurs étranges avances, ni de quelle manière nous devions y répondre. Cependant, cette familiarité produisait quelquefois des scènes très plaisantes. Un jour, mes deux fils étaient allés faire une promenade de découverte sur les collines du voisinage. Leur retour se fit attendre, et nous nous décidâmes à aller à leur rencontre. Nous savions la direction qu'ils avaient prise, mais nous trouvâmes bon cependant de frapper à la porte d'une petite auberge située au pied des collines, afin de savoir si on les avait vus passer. Une femme que je ne puis mieux comparer qu'à celle qui vend des herbes au marché de Covent Garden sortit et répondit affirmativement à notre question du ton le plus familièrement jovial. Mais elle ne s'en tint pas là et se joignit à nous pour nous aider dans notre recherche. Sa voix, ses manières, son air étaient si extraordinairement incultes et véhéments que j'en fus presque effrayé. Elle passa son bras sous le mien et à l'amusement inexprimable de mes enfants, elle me traîna à la remorque en m'accablant de son babil et de ses questions. Sa maison n'était pas loin de la nôtre, et je suis convaincu qu'elle cherchait à se montrer bonne voisine. Mais sa violente intimité me fit tellement peur que je n'osais jamais depuis franchir le seuil de sa porte. Elle n'appelait mes enfants, mes fils compris, que par leur nom de baptême, excepté toutefois lorsqu'elle y substituait le mot « mon cœur ». J'ai remarqué depuis que cette familiarité de dénomination était universelle dans les États-Unis et commune à tous les rangs. Mes voisines ne me désignaient entre elles que sous le titre de la vieille femme anglaise, mais en parlant de l'une d'elles, elles employaient constamment le terme de « lady ». Elles trouvaient évidemment du plaisir à s'appliquer ce mot, car j'ai mille fois observé qu'en parlant d'une voisine, au lieu de dire tout simplement « Mrs. une telle », elles prenaient la périphrase descriptive et disaient « la lady sur le chemin de la rivière, la lady qui fait des chandelles. Monsieur Trollope était aussi constamment appelé le vieil homme, tandis que des charretiers, des garçons bouchers, des ouvriers sur le canal recevaient invariablement la dénomination de gentleman. J'ai même vu un jour l'un des citoyens les plus distingués de Cincinnati présenter à un de ses amis un pauvre diable en simple veste et les manches de sa chemise horriblement sales avec la formule « Mon cher, permettez-moi de vous présenter ce gentleman. » Je tenais certainement fort peu à nos titres respectifs, mais les éternelles poignées de main de ces ladies et de ces gentlemen étaient réellement une chose insupportable, surtout quand, en s'approchant d'eux, leur qualité s'annonçait de loin par l'odeur du whisky et du tabac. Mais ce qui me déplaisait par-dessus tout de cette égalité républicaine, c'était les fréquentes visites qu'elle me procurait. Fermer sa porte est une chose dont personne ne s'avise dans l'ouest de l'Amérique. On m'avertit qu'une telle licence serait considérée comme un affront par tout le voisinage. J'étais ainsi exposé à me voir troublé à chaque instant et de la manière la plus déplaisante par des gens que souvent je n'avais jamais vus et dont, plus souvent encore, les noms m'étaient absolument inconnus. Les indigènes, accoutumés à cet usage, emploient pour le supporter une méthode que je n'ai jamais pu prendre sur moi d'appliquer. 20 fois j'ai vu des personnes de ma connaissance ainsi envahies par des visites, sans avoir l'air d'en être le moins du monde troublé. Elles continuaient leur occupation ou leur conversation avec moi à peu près comme si de rien n'eût été. Quand le visiteur entrait, elle lui disait « Comment vous portez-vous » et il lui secouait la main. « Assez bien, et vous ?» était la réponse du visiteur, et là se bornaient les civilités. Si le nouveau venu était une femme, elle ôtait son chapeau. Si c'était un homme, il gardait le sien. Puis, prenant possession de la première chaise qu'il trouvait, il s'y établissait et restait là 1 heure sans dire un seul mot. À la fin, il se levait tout à coup en disant « Il est temps que je m'en aille, je crois ». Puis, après une nouvelle poignée de main, il s'en allait avec l'air parfaitement satisfait de la réception qu'on lui avait faite. Il n'était pas en mon pouvoir de conserver cette philosophique tranquillité. Je ne pouvais, tant qu'on était là, ni lire, ni écrire, et je me figurais toujours que je devais entretenir la personne qui m'honorait de sa visite. Je vais donner au lecteur le procès-verbal d'une de ces conversations, rédigée immédiatement après l'événement. Ce sera un échantillon du ton et des idées des visiteurs qui me venaient. Cette fois, c'était un marchand de lait. Eh bien, vous voilà donc maintenant loin de la vieille terre. Ah, vous avez bien des choses à voir ici, j'imagine. J'espère effectivement en voir quelques-unes. C'est un fait. Ah, ça, je pense bien qu'il n'y a pas assez de place dans votre petite île pour qu'il y croise du blé d'Inde, du maïs, de la beauté de celui que vous voyez ici. Il n'en croit point du tout, monsieur. Est-il possible? Alors je ne m'étonne plus des terribles histoires que nous lisons dans les papiers et dans lesquelles on assure que votre pauvre peuple meurt de faim et de besoin. Mais nous avons du froment. Oui, pour les riches, sans doute. Quant aux pauvres, je présume que ce n'est pas souvent qu'ils en ont chez vous. Vous en avez certainement en beaucoup plus grande abondance que nous. Je le crois bien. Et ne disent-ils pas aussi que si un pauvre homme est assez adroit là-bas pour mettre quelques dollars l'un sur l'autre, votre roi George tombe sur lui et emporte tout? Le fait-il réellement? Je ne me rappelle pas avoir jamais entendu parler de pareilles choses. Ah, je pense qu'ils sont joliment discrets sur cela. Vos gazettes ne sont pas comme les nôtres, je suppose. Maintenant, nous disons et imprimons tout ce qu'il nous plaît. Il me semble que vous passez bien du temps à lire les gazettes. Eh, je vous demande comment nous pourrions le passer de manière plus utile. Que peuvent faire de mieux des hommes libres que de veiller sur leur gouvernement et de prendre garde que ceux à qui ils donnent les places fassent leurs devoirs et ne se donnent pas des airs? Je pense pourtant quelquefois que vos clôtures pourraient être en meilleur état et vos routes mieux entretenues si vous donniez moins de temps à la politique. Dieu soit loué. On voit bien que vous ne savez guère ce que c'est qu'un pays libre. Qu'est-ce qu'une bonne route comparée à la liberté d'un Américain ni libre? Et qu'importe une barrière rompue par-ci par-là, auprès de l'avantage de savoir si les hommes que nous avons trouvé bons d'envoyer au Congrès parlent convenablement et comme nous leur avons donné mandat de parler? C'est donc par devoir alors que vous allez au cabaret pour lire les gazettes? Il n'y a pas de doute. et qui ne le ferait pas ne serait point un véritable Américain né libre. Je ne dis pas que le père de famille doive toujours caresser la bouteille, mais je dis que j'aimerais mieux que mon fils s'enivrât 3 fois par semaine que de le voir ne pas prendre souci des affaires de son pays. Nos promenades d'automne furent délicieuses. Le soleil cessa de nous griller. On ne s'apercevait plus du manque de fleurs dans l'état de l'Ohio, puisqu'à cette époque on en trouve peu partout. Les arbres formaient un coloris qui, pour le brillant, la richesse et la variété, surpassait toutes les descriptions. Je crois que c'est l'arbre à sucre ou érable qui teint le premier la forêt d'un riche cramoisi. Le hêtre le suit avec toutes ses nuances harmonieuses et dorées depuis le jaune pâle jusqu'à l'orange foncé. Vient ensuite le cornouiller qui a presque la couleur pourpre du mûrier. Le châtaignier adoucit toutes ses teintes par ses masses de brun tendre, tandis que le chêne majestueux conserve sa verdure jusqu'au commencement de l'hiver. Ces nuances sont trop brillantes pour le pinceau du paysagiste, et il tenterait en vain de suivre la nature pour peindre un automne d'Amérique. Ces couleurs sont en effet fort brillantes, mais le médium à travers lequel on les voit augmente l'effet qu'elles produisent d'une manière surprenante. De tous les points sur lesquels l'Amérique a l'avantage sur l'Angleterre, celui qui est le plus sensible, c'est la clarté et le brillant de l'atmosphère. Pendant le jour et pendant la nuit, cette pureté exquise de l'air donne une beauté infinie à tous les objets. Je pouvais à peine croire que les étoiles fussent les mêmes. La grande ours avait l'air d'une constellation du soleil, et Jupiter justifiait toutes les belles choses qu'a dites de lui je ne sais quelle plume spirituelle. Je te regardais, Jupiter, jusqu'à ce que mes yeux fussent obligés de se baisser, éblouis qu'ils étaient par le pouvoir de tes rayons. J'ai toujours remarqué que la première ligne argentée du croissant de la lune est aussi visible à l'œil le premier jour en Amérique qu'elle l'est le troisième dans d'autres pays. J'ai remarqué aussi dans cette région un autre phénomène du croissant dont je me rends moins facilement compte. Shakespeare parle, quelque part, de la vieille lune qui porte la nouvelle lune dans son sein. Ce phénomène, que j'ai entendu ingénieusement expliquer comme un effet de la lumière terrestre, n'est visible nulle part autant qu'ici. Les plus beaux paysages de Quip ont une atmosphère qui se rapproche plus de celle de l'Amérique que ce que j'ai vu dans aucun tableau. Mais l'air de Quip lui-même ne peut pas pénétrer dans les poumons. On ne peut en donner l'idée qu'admis, car cet air se fait sentir aussi bien que voir, et c'est une source constante de plaisir. Nos promenades étaient néanmoins limitées par mes anciens ennemis de Cincinnati, les cochons. Des troupeaux immenses de ces animaux arrivaient constamment de la campagne par les routes qui conduisaient à nos promenades favorites. Ils étaient souvent logés et nourris dans les plus jolies vallées, et ce qui est encore pire, ils étaient massacrés sur le bord des plus charmants ruisseaux. Une plus grande infortune nous menaçait encore. Notre chaumière avait un grand portique, luxe presque universel dans les maisons de campagne d'Amérique, dont l'ombre de beaux acacias faisait un délicieux salon. Nous y étions un jour lorsque nous aperçûmes dans un champ tout à côté des projets de travaux que nous causèrent quelques inquiétudes. Nous nous hâtâmes de nous rendre sur les lieux pour nous informer quel était le bâtiment qu'on avait l'intention de construire. « C'est un abattoir pour les cochons, » nous répondit-on. Comme il y avait plusieurs familles distinguées dans le voisinage, je demandais si elles ne s'y opposeraient pas pour cause d'incommodité. « Pour cause de quoi ?» reprit un ouvrier. « D'incommodité, » répétai-je, et j'expliquais ce que je voulais dire. « Non, non, madame, ce serait bon dans un pays de tyrannie comme le vôtre, où l'on pense plus au nez d'un riche qu'à l'estomac d'un pauvre. Mais les cochons sont ici d'un bon produit, et nous sommes trop libres pour des lois de cette espèce. » Pendant mon séjour en Amérique, une foule de petites circonstances semblables à celles-là m'ont souvent rappelé une conversation que j'eus avec un vieux gentilhomme français au sujet de la police active et des gendarmes de son pays. « Croyez-moi, madame, » répondit-il, « il n'y a que ceux auxquels ils ont affaire qui les trouvent de trop. » Le vieux gentilhomme avait raison, non seulement en parlant de la France, mais à l'égard de toute la grande famille humaine, comme disent les philosophes. Les hommes que leur sentiment de justice porte à ne point nuire aux autres ne se plaindront jamais de la sévérité des lois. Toute liberté en Amérique est au-delà de celle dont on jouit en Europe, tourne au profit de ceux qui sont ennemis de l'ordre, et leur est accordée aux dépens de ceux qui l'aiment. Si j'étais un digne combattant, soit avec l'épée, soit avec la plume, je jetterais volontiers mon gant aux partisans de la République et les défierais de prouver le contraire. Mais n'étant qu'une pauvre observatrice avec une aiguille en guise de lance et n'ayant que le pouvoir de parler, je me contenterais de le faire avec franchise, quoique bien convaincue d'être contredite par tous les Américains qui liront cet ouvrage.